Livy, pour la santé de tous. Savez-vous qu'un entraînement cérébral régulier stimule votre créativité, mémoire et concentration? C'est pourquoi Livy vous propose un petit jeu de mémoire. Repensez à votre déjeuner d'hier. Qu'avez-vous mangé? Ça vous revient? Non? Si vous hésitez, il est temps de s'entraîner. On peut vous aider. Livy, pour la santé de tous. Voici l'heure de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Oui, la réputation du père Léon. Non, la mauvaise réputation du père Léon. De Caroline Lebouc. On le sait, de l'autre côté de la Terre, dans l'autre hémisphère, les saisons sont à l'envers. C'est l'été en plein hiver. Il y a très longtemps, de l'autre côté de la Terre, dès qu'approchait l'hiver qui, en fait, était l'été, les enfants tremblaient de peur. Leur sommeil se peuplait de cauchemars. Tout cela était dû au retour annoncé du père Léon. Retour que les enfants redoutaient. On disait qu'il avait une barbe brune, le père Léon. On disait aussi qu'il portait un short et un t-shirt rouge et qu'il avait des sandales de cuir aux pieds. Une tenue normale pour un début d'hiver qui est un début d'été de l'autre côté de la Terre, là où tout est à l'envers. Ah oui, c'est l'autre côté de la Terre. Une nuit par an, toujours à la même date, au début de l'hiver, qui dans l'autre hémisphère est l'été donc, pendant que tout le monde dormait, le père Léon pénétrait dans toutes les maisons. Il entrait par les canalisations. Jamais on n'a pu expliquer comment il faisait pour ne pas y rester coincé. Tous les ans, de l'autre côté de la Terre, au début de l'hiver, qui était plutôt l'été donc, puisque tout y est à l'envers, le père Léon, dans toutes les maisons, volait un jouet à chaque enfant. À chaque enfant, sans exception. Cette sinistre nuit était appelée la nuit de Léon. La nuit de Léon. Après son passage, ce n'était que tristesse et pleurs. J'ai plus la poupée que j'aimais tant, disait l'une. Le père Léon est méchant, disait l'autre. Moi, c'est mon vélo bleu que j'ai plus. Le père Léon a pris ma voiture téléguidée. C'est mon jouet préféré. Le père Léon avait vraiment une très mauvaise réputation. Que faisait-il de tous ces jouets volés, le père Léon? C'est simple. Il les emportait chez lui, sous terre, où il habitait avec la mère Léon et leurs 510 enfants. 510 enfants. C'était pour eux qu'il volait tous ces jouets. Après la triste nuit de Léon, alors que dans l'autre hémisphère, tous les enfants pleuraient, dans la maison du père Léon, sous terre, ce n'était que gaieté. Mais pour les 510 enfants, le plaisir ne durait pas longtemps. Très vite, les jouets volés ne les amusaient plus. Alors, ils les abandonnaient. Ils les cassaient parfois. Puis, ils en réclamaient de nouveau à leur papa. Nous voulons des jouets, papa. Et 510 enfants qui crient en même temps. Ça casse les oreilles. C'est pourquoi, tous les ans, au début de l'hiver, qui est l'été de l'autre côté de la Terre. Pour faire plaisir à ses 510 enfants, et surtout pour qu'ils arrêtent de crier, le père Léon se faufilait dans les tuyaux et les canalisations pour aller chercher de nouveaux jouets. Je vais y aller chercher des nouveaux jouets. Un beau jour, de l'autre côté de la Terre, dans l'autre hémisphère, alors que les enfants commencent à trembler, à cauchemarder, parce que le père Léon va bientôt passer, une petite fille se dit qu'elle en a assez. J'en ai assez. Cette petite fille s'appelle Anna. Oui, Anna. Et Anna ne veut plus se réveiller un matin et ne pas retrouver les jouets qu'elle aime. Alors, quand s'annonce le début de l'hiver, qui dans l'autre hémisphère est le début de l'été, voilà, Anna prend une feuille de papier, son stylo à encre violette et écrit une lettre au père Léon. Père Léon, une nuit, tu as profité que je sois endormie pour prendre un ours en peluche. Mon ours en peluche, il s'appelait Basile. Il me manque beaucoup. L'année suivante, c'est une console de jeu que tu as emportée. Et puis, c'est mon vélo rouge que tu as volé, celui avec lequel je faisais des balades en forêt. Tu vas revenir bientôt et tous les enfants de ce côté-ci de la Terre tremblent à cette idée. Moi, j'en ai assez. Crois-moi, quand tu reviendras, je ne dormirai pas. Et je t'assure, je ne te laisserai pas toucher à mes jouets. Je ne te salue pas. Anna. Anna glisse la lettre dans une enveloppe et écrit l'adresse. Père Léon, dans une grotte, 10 lieues sous terre. Puis elle glisse l'enveloppe dans une boîte aux lettres. Et la sinistre nuit de Léon arrive enfin. Tout à fait normalement, Anna enfile un pyjama rose, installe son ouistiti en chiffon dans son lit. Elle ne joue plus avec son ouistiti car elle est trop grande, mais il a toujours sa place dans son lit et aussi dans sa valise quand elle part en voyage. Un jour, chez oncle Raymond, l'oreille du ouistiti a été dévorée par un chien. Le chien de la fiancée d'oncle Raymond. Cet incident a causé au chien une indigestion. Et à Anna, un gros chagrin. Pour la consoler, à l'aide d'un foulard violet, un cadeau d'oncle Raymond, la fiancée a confectionné une oreille neuve au ouistiti. Une oreille violette, c'est original, ça lui va très bien. Bref, Anna se couche. Elle ne ferme pas l'œil. Régulièrement, elle se pince afin d'être sûre de ne pas dormir. Oui. Dès qu'elle entend des bruits, sans hésiter, Anna se lève. Nu-pied, elle court jusqu'à la salle de bain. Elle pousse la porte. À peine a-t-elle le temps d'apercevoir une barbe brune, un short et un t-shirt rouge, et aussi le bout d'une sandale de cuir derrière le rideau de la douche. Anna crie. C'est lui! Les joues rouges de colère, rouges comme les habits du père Léon. Anna tire le rideau de la douche, mais le père Léon a disparu, engouffré dans la canalisation. Anna n'hésite pas, à son tour, elle s'y engouffre. Père Léon, arrête-toi! Crie-t-elle. Répète l'écho renvoyé par les parois du tuyau. Mais le père Léon ne s'arrête pas. Anna le poursuit tant qu'elle peut, tant qu'elle le voit devant elle. Puis elle ne le voit plus, alors elle veut rentrer chez elle. Mais après cette course folle, dans l'embrouillamini des tuyaux, Anna est perdue. Plusieurs tuyaux et canalisations partent dans différentes directions. Laquelle prendre? Pas de panneau, pas d'indication. Anna choisit au hasard, la première à droite, puis la cinquième à gauche, ou le contraire peut-être, elle ne sait plus. Comme le père Léon, Anna a pu courir dans des tuyaux étroits sans y rester coincée. Elle se fiche de savoir comment. La seule chose qu'elle veut savoir, c'est comment sortir des canalisations, comment retrouver sa maison. Anna, épuisée, continue à avancer au hasard. Elle avance jusqu'au moment où elle aperçoit une lueur au bout d'un tuyau. C'est ma maison. Je suis sauvée. Pense-t-elle. Quand Anna s'approche de la lumière, elle n'était pas arrivée chez elle, mais devant une grotte illuminée. Ce n'est pas n'importe quelle grotte, puisqu'il s'agit de la maison du père Léon, de la mère Léon et de leurs 510 enfants. 510 enfants. Anna, après sa course folle dans les canalisations, est arrivée 10 lieues sous terre. La curiosité d'Anna est plus forte que sa peur. Elle colle son nez à la fenêtre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Sous ses yeux, qu'elle frotte, pour être sûre qu'il ne lui joue pas un tour, se déroule une fête incroyable, une fête comme elle n'en a jamais vue. Habillés de rouge, les 510 enfants escaladent une montagne de jouets, des jouets que leur papa, le père Léon, a volés. C'est lui, c'est le mien. Anna reconnaît son ouistiti, celui qui était dans son lit. Le père Léon le lui a pris. Elle ne peut pas se tromper. C'est le seul ouistiti à avoir une oreille violette. Avec une oreille violette, c'est le mien. Au milieu de la montagne de jouets que les 510 enfants escaladent, le ouistiti d'Anna est assis entre un tambour et un camion de pompiers. Anna pousse la fenêtre qui n'est pas fermée car même 10 lieues sous terre, dans l'autre hémisphère, c'est l'été en plein hiver. Elle court jusqu'à la montagne de jouets, grimpe parmi les 510 enfants. 510 enfants. Mais aucun ne fait attention à elle. Pourtant, elle est la seule à porter un pyjama rose. C'est vrai, ils sont tous en rouge. Enfin, Après une pénible montée, elle arrive près du mur. Anna tend la main pour saisir le whisky, mais une autre main en même temps l'attrape. C'était celle d'une fillette tout habillée de rouge, évidemment, une des 510 enfants du père Léon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ce jouet est à moi. Non, ce jouet, il est à moi. Aucune des deux ne veut céder. Et mais rends-le-moi. Pas question. C'est le Ouistiti qui cède en premier en perdant ses deux bras. Oh, Ouistiti. Le père Léon a repéré Anna. Ce n'est pas bien compliqué. Parmi les 510 enfants qui escaladent la montagne de jouets, c'est la seule à être tout de rose habillée. Qu'est-ce qui se passe, Cécile? Dit le père Léon avec sa grosse voix. Elle a pris mon Ouistiti. Répond Anna. Il y a ma fille Léonie, je crois. J'en veux plus, il a plus de bras. Et toi, qui es-tu, tout de rose vêtu? Je suis Anna, je t'écris une lettre, tu l'as pas reçue? Le rire du père Léon est si fort qu'il fait trembler les parois de la grotte, dit lieu sous terre, et, paraît-il, les continents dans l'autre hémisphère. On pourrait croire à un tremblement de terre. Pourquoi ris-tu? Mais d'être comme la tête, j'en suis en état, là. Regarde là-bas. Plus petite que la montagne de jouets, dans un coin de la grotte, il y a une montagne de courriers. Mais je ne les lis même pas. Et tu n'as pas honte? Honte de quoi? Anna dit au père Léon. Et tu as une mauvaise réputation. Au début de l'hiver, qui est l'été dans cet hémisphère, les enfants tremblent de peur quand ils savent que tu vas venir. Après ton passage, tu ne laisses que de la tristesse dans les maisons. J'ai donc mauvaise réputation? J'y ai pas pensé. Il suffisait d'ouvrir ton courrier. Je veux un autre Ouistiti. Celui-là me plaît pas du tout. Il a plus de bras. Dit Léonie, les joues aussi rouges que ses habits, hurlant, trépignant sur la montagne de jouets. Eh, c'est moi qui devrais pleurer. Ce Ouistiti est à moi. Le père Léon est désemparé. Cette histoire ne le fait plus rigoler du tout. Que faire? La situation est compliquée. Il y a Léonie qui veut un jouet neuf pour remplacer celui d'Anna, et il y a Anna qui dit que j'ai mauvaise réputation parce que je vole les jouets des enfants. Comme je le fais tous les ans au début de l'hiver, qui est l'été dans cet hémisphère. Et puis, il y a ce Ouistiti qui n'a plus de bras. Et c'est la mère Léon qui trouve une solution, du moins pour le Ouistiti. Je vais lui coudre des bras tout neufs. Je vais le tailler dans un beau tissu rouge. Pour la couleur, je n'ai pas le choix. Du tissu rouge, je n'ai que ça. Je suis sûre que ça lui ira bien. Un Ouistiti avec des bras rouges, j'en veux pas. Et avec sa machine à coudre, la mère Léon répare le Ouistiti en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Une oreille violette, deux bras rouges, il me plaît beaucoup ainsi. Dit Anna après l'opération. Elle embrasse la mère Léon. Merci ma chérie. Plus loin, le père Léon est assis sur un banc. La tête dans les mains, il a l'air de réfléchir. Anna s'approche. Regarde, père Léon, comme mon Ouistiti a belle allure. Il est très beau avec ses nouveaux bras, tu trouves pas? Qu'est-ce que t'as? Tu dis rien? T'as l'air triste, qu'est-ce qui va pas? Je sais pas comment faire. Si je vais pas chercher d'autres jouets, Léonie va pas se calmer. Dans pas longtemps, son frère Léon se va réclamer un camion de pompiers, puis ce sera au tour de Pantaléon de s'égosiller pour avoir un nouveau jouet. Ils sont jamais satisfaits. C'est vrai, ils sont jamais satisfaits. Anna s'inquiète. Vous n'allez pas recommencer? Mais je suis quelqu'un de fier, moi. Tu m'as dit que j'avais mauvaise réputation dans cet hémisphère. Et alors ça me plaît pas du tout, là. Je voudrais tout changer, tout faire à l'envers. Mais il est embêté. Il ne sait pas comment s'y prendre. Parmi les 510 enfants, maintenant, 5 réclament déjà de nouveaux jouets. Il y a, bien sûr, Léonie. Moi, je veux un nouveau Ouistiti. Mais aussi Léonce, comme le père Léon l'a prévu. Papa, je veux un nouveau camion de pompier, tu me l'as promis. Oui. Léonard, Léonie. Commence-t-il à crier? Le père Léon se trouve dans une situation compliquée. Un petit garçon, un des 510 enfants du père Léon et de la mère Léon, s'approche d'Anna. Il est beau ton Ouistiti. Je te le donnerai pas, il est à moi. Je sais, je te demande pas. Comment t'appelles-tu? Napoléon. Drôle de prénom. Je sais comment avoir moi aussi un si beau Ouistiti. Ah non! Tu vas pas demander au père Léon de le voler. T'as rien compris. Et sans ajouter un mot, il tourne les talons et se dirige vers sa mère, la mère Léon. Et avec sa machine à coudre, en deux temps et trois mouvements, la mère Léon confectionne un ouistiti. Un ouistiti entier. La tête, le corps, la queue, les deux bras, les deux jambes et même les oreilles dans un beau tissu rouge. Puis, Napoléon se met à danser une polka de joie en brandissant son ouistiti à bout de bras. Il chante à tue-tête. J'ai un nouveau jouet. Le père Léon regarde ce spectacle. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique là? On peut deviner un grand sourire au milieu de sa barbe brune. Anna lui dit... J'ai un nouveau jouet. Il a l'air si heureux, Napoléon. Il a eu un beau jouet, celui dont il rêvait. Tu vois, Anna, les jouets font tellement plaisir à mes enfants. Mais hein? Tu n'es pas obligée de les voler. Pour 510 enfants que tu rends heureux, tu en rends malheureux des milliers et des milliers de ce côté-ci de la Terre, dans cet hémisphère. Ne t'étonne pas d'avoir mauvaise réputation. Bon, tu sais bien que je voudrais tout changer, tout faire à l'envers. Je voudrais qu'on m'aime. Oui, mais comment faire alors? Où trouver des jouets? Eh bien, Napoléon vient de faire la démonstration. Pour lui, comme pour tes 510 enfants, les jouets, fabrique-les. Les fabriquer, mais quelle drôle d'idée! Oh, les fabriquer! Comment ça me plaît? Dit Léonard qui a écouté la conversation. Pendant ce temps, Léonie continue à trépigner en criant... Je veux des jouets! Mais plus personne ne l'écoute. Qu'ils soient en bois ou en chiffon, alors fabriquer des jouets, moi et la mère Léon, là, alors nous on sait faire. Hein. Ajouter un peu d'électronique. Ça pourrait être très compliqué quand même. Et alors, parmi nos 510 enfants, certains pourront nous aider. Oh bah non, eh oh, moi je joue. Hein. Et Léonide et Léonard sont bricoleurs. Certaines de mes filles, les plus grandes, manipulent à volonté la lampe à souder. Et on va y arriver, non? Léonie s'est arrêtée de trépigner et de crier. Elle réfléchit un instant et puis elle dit... Moi, il y a une chose que je sais fabriquer. Ah bon? Intriguée, Anna, le père Léon et quelques-uns des 510 enfants lui demandent en chœur. Beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis. Franchement. Des galettes. Mais c'est pas un jouet, ça. Mais oui, oui, des galettes. C'est facile à fabriquer avec la crème du lait, avec des œufs fermiers, avec de la farine de blé. Il suffit de tout mélanger au four et c'est prêt. Mais on veut pas des gâteaux, on veut des jouets. Mais allez-y, riez, allez-y. Mais un jour, mes galettes me rendront célèbre dans le monde entier. Ouais, arrête de délirer. Hein. Anna pense que Léonie dit n'importe quoi pour se faire remarquer. Enfin, Anna est rassurée parce que le père Léon a promis de ne plus venir dans les maisons par les canalisations... Au début de l'hiver, qui est l'été, qui est l'été dans l'autre hiver, pour voler les jouets des enfants. Il est tard, la nuit de Léon va se terminer. Anna veut rentrer chez elle. Le père Léon lui a donné quelques indications pour ne pas se perdre sur le chemin du retour dans les canalisations. Enfin arrivée, épuisée, elle se couche et dort à point fermé. Le matin, quand elle se réveille dans son lit, il y a le ouistiti avec une oreille violette et les deux bras rouges. C'était pas un rêve. L'année suivante, au début de l'hiver, qui est l'été dans l'autre hémisphère, puisque tout y est à l'envers, tous les enfants se mettent à trembler, à cauchemarder, comme à l'accoutumée. Tous, sauf Anna. À son retour de la grotte, dit lieu sous terre, elle a bien essayé de raconter son aventure autour d'elle, mais personne n'a voulu la croire. Comme l'an passé, Anna prend une feuille de papier, son stylo à encre violette et écrit une lettre au père Léon. Cher père Léon, je sais que maintenant c'est terminé. Tu prendras plus nos jouets, tu as choisi de les fabriquer. J'espère que la mère Léon et toi n'êtes pas trop fatigués et que vos 510 enfants sont satisfaits. Mon ouistiti va bien. En ce moment, je me passionne pour les jeux de société. 512 bises. Ah bah ouais, hein, 510 plus 2. Une pour chacun de vous. Même à Léonie. Anna. Anna glisse la lettre dans une enveloppe et écrit l'adresse. famille Léon dans une grotte 10 lieues sous terre. Puis elle glisse l'enveloppe dans une boîte aux lettres. Quand la sinistre nuit de Léon arrive... La nuit de Léon. Tout à fait normalement, Anna enfile un pyjama rose, installe son ouistiti en chiffon dans son lit, puis elle se couche. Sachant qu'elle n'a plus rien à craindre, elle s'endort immédiatement. En plein milieu de la nuit, un bruit étrange la réveille. Il vient de la salle de bain. Elle se lève, elle court nu-pied. Elle pousse la porte. À peine a-t-elle le temps d'apercevoir une barbe brune, un short et un t-shirt rouge, et aussi le bout d'une sandale de cuir derrière le rideau de la douche. Ah, ça va pas recommencer! Père Léon, arrête-toi! Il a déjà un pied dans la canalisation. Tu n'as pas tenu ta promesse. Mais c'est pas ce que tu crois. Cette année, c'est moi qui t'apporte un jouet. Une belle malle de jeux de société. Regarde, c'est moi qui l'ai fabriquée. C'est pas ce que tu voulais? Les joues d'Anna sont rouges, rouges comme les habits du Père Léon, mais cette fois rouges de confusion. Excuse-moi, Père Léon, j'ai cru que comme les autres années, t'étais venu pour... Je t'ai dit que j'allais tout changer, que j'allais tout faire à l'envers. Alors, au lieu de te prendre des jouets, je t'en ai apporté. Tu sais, Anna, avec la mère Léon, nous prenons plaisir à fabriquer des jouets et à rendre heureux nos 510 enfants. Et d'autres aussi dans cet hémisphère. D'ailleurs, il m'est venu une idée. Pourquoi ne pas distribuer des jouets à tous les enfants? Tous les enfants sans exception, Père Léon? Ben, sans exception, aux enfants de cet hémisphère, mais aussi à d'autre côté de la Terre. Des jouets pour les enfants de la Terre entière. Eh oui, je serais aimé, admiré, acclamé. Vive le Père Léon! Vive le Père Léon! Mais Père Léon, il y a un problème. Ta mauvaise réputation, tu ne pourras pas t'en débarrasser facilement. T'as trop longtemps fait pleurer les enfants. Oui, j'y ai pensé, oui. Pour commencer, nous allons déménager. Au lieu d'habiter sous terre, nous allons habiter dans le ciel. J'y ai trouvé un nuage accueillant pour y loger mes 510 enfants. Ah, oh, ça c'est une bonne idée. Et vivre sous terre n'était pas très bon pour leur santé. Sur un nuage, c'est sûr, l'air est plus pur. Et ce nuage, où est-il? Bah, dans l'autre hémisphère, où c'est l'hiver, quand c'est l'hiver. Où tout est à l'envers. Si on veut, l'envers de l'envers, c'est l'endroit, je crois. Mais... dans l'autre hémisphère, où c'est l'hiver en plein hiver, tu n'as pas peur d'avoir froid? La mère Léon coud. Elle coud pour moi un beau manteau rouge bordé de fourrure blanche. De la fourrure synthétique, hein, bien sûr. Hein. Je vais être aimé des animaux aussi. Hein. Et à la place des sandales, je porterai une belle paire de bottes. Ça t'ira bien. Merci. La mère Léon coud aussi pour les 510 enfants. Elle coud pour les filles de jolies capes avec un capuchon et puis pour les garçons des manteaux et des pantalons. Et tout est rouge, hein, bien sûr. Oh là là, ce doit être joli. Magnifique. Bon, il est temps que je m'en aille pour finir les préparatifs du déménagement. Hé, encore une question. Comment feras-tu pour entrer dans les maisons par les canalisations? Les canalisations, mais c'était bon quand j'habitais sous terre. Je veux tout changer, je veux tout faire à l'envers. Alors, venant du ciel, le plus pratique, ce sera de passer par les cheminées. Ah. Anna trouve l'idée très originale. Il reste un problème. Ben, lequel? Mais ta mauvaise réputation, elle est collée à ton nom, elle. C'est impossible de s'en défaire. Comment ne pas effrayer les enfants, même dans l'autre hémisphère, quand on s'appelle le Père Léon? Ben, t'as raison. Mais comment faire? Tu as dit que tu voulais tout changer. Tout faire à l'envers. Alors réfléchissons. Exact. Alors, écris ton nom à l'envers. Essayons. Anna prend le tube de rouge à lèvres de sa mère et écrit sur le miroir de la salle de bain Léon. Puis, en dessous, elle commence par la dernière lettre, le N. Puis l'avant-dernière, le O, puis le E, puis le L. Ce qui donne Noël. Oh, regarde, Père Léon, tu es devenu Père Noël. Oh, ça me plaît beaucoup, ça. Ce nouveau nom sonne bien à mes oreilles. Et ton idée, elle est géniale, Anna, là. Ah, c'est amusant, ce jeu, dis donc. Tiens, essayons avec ton prénom. D'accord. Le Père Léon prend le tube de rouge à lèvres et écrit sur le miroir A Na. Puis, en dessous, il commence par la lettre de la fin. A. Puis. N. Puis. N. Puis. A. Ce qui donne. A. Na. Oh ben excuse-moi, j'ai pas réfléchi. Ben, mon prénom est magique. Je suis Anna, même si j'ai la tête en bas. Le déménagement de la famille Léon eut lieu quelques jours après. Tout le monde connaît la suite de l'histoire, car tout le monde connaît le Père Noël. Ah oui, ça c'est sûr. Depuis, les années ont passé. Avec l'âge, la barbe brune du Père Léon est devenue blanche. Et les 510 enfants... 510 enfants sont devenus grands. Anna reçoit des nouvelles tous les ans. Ouais. Celle qui n'a pas changé, c'est Léonie. Elle est toujours aussi têtue. Elle passe ses journées à faire des galettes. Pour imiter le Père Léon qui distribuait des jouets aux enfants, Léonie s'est mise en tête de distribuer des galettes aux personnes âgées. Un jour, pour aller porter une galette à Madame Mergrand, une vieille dame qui vit dans une maison isolée dans la forêt, Léonie a tellement musardé sur le chemin que la nuit l'a surprise et qu'elle n'a plus su où elle était. Dans l'obscurité, elle a aperçu deux yeux qui brillaient. Elle s'est dit « Cette personne va pouvoir m'indiquer le chemin pour aller chez Madame Mergrand. » Mais Léonie s'est trompée. Ses deux yeux étaient ceux d'un loup affamé. Sans plus de manière, il l'a dévoré. Heureusement, un chasseur, ou plutôt un braconnier, qui passait par là, a entendu les cris de Léonie qui sortaient du ventre du loup. Je veux sortir ! Je veux sortir ! Au secours, je veux sortir ! Elle criait aussi fort que quand elle cassait les oreilles de son père, le père Léon, avec des « Je veux des jouets, je veux des jouets !» Ses cris rendaient la digestion du loup difficile. Le chasseur, ou plutôt le braconnier, lui a ouvert le ventre avec un couteau et a libéré la fillette. Mais avant ça, il avait pris le temps de prévenir les journalistes qui ont accouru pour photographier, filmer, raconter l'extraordinaire sauvetage de Léonie. Le monde entier l'a vu à la télévision, dans les journaux, avec les vêtements que la mère Léon lui avait cousus dans un tissu rouge, bien sûr. Une cape avec un capuchon qu'en ce temps-là on appelait chaperon. C'est pour cela que, ne sachant pas qu'elle s'appelait Léonie, on la surnomma le petit chaperon rouge. Cette aventure lui valut de se faire gronder par le père Léon. On ne parle pas au loup qu'on ne connaît pas. Mais aussi, cette aventure lui valut de devenir célèbre grâce à ses galettes. Exactement comme elle l'avait prédit. La preuve, des années et des années plus tard, on continue à raconter son histoire. C'était la mauvaise réputation du Père Léon. De Caroline Lebouc. Avec Fanny Cotenson, Yana Bitnerova, Guénoléa Zertiop, Corinne Martin, Fanny Touron. Prise de son, montage, mixage, Éric Boissé et Jean-Benoît Tétu. Assistante Marie Dupuis. Réalisation Myron Merson. La nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendue chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier.